Exemple numéro 3, je vous écoute, leçon 20, début de l'émission, 1963. Chers amis, bonsoir. Bonsoir. Radiolektionen den 13 november ägnade vi nästan helt åt terminens första skriftliga prov. Vi utlovade då också att de som inte skickar in sina prov för rättning skulle få veta de rätta svaren på frågorna i lektionen idag. Och här kommer de. Fråga 1a. C'est un piano. 1B. C'est un ascenseur. 1C. C'est un avion. Ou 1D. Ce sont des chiens. Chien med S på slutet eftersom det var flera stycken. I avdelning 2 gällde det att ange några personers nationalitet. Det här var fråga 2A. Évidemment. J'aime beaucoup ce qu'on appelle en France bricoler, c'est-à-dire je m'occupe un peu de menuiserie. Il est français. 2B. It may of course be a superb villa designed by a fashionable architect and built at great expense. Elle est anglaise. 2C. Ils sont allemands. 2D. Elles sont espagnoles. Orden français, anglaise, allemand, espagnol ska skrivas med stor bokstav eftersom det är fråga om personer. Avdelning 3 var en tipsrad där ni skulle markera det rätta alternativet av tre givna. Och så här ser en rad med fem rätt ut. Kryss, tvåa, etta, kryss, etta. Alltså kryss. Le drapeau français est bleu, blanc et rouge. Tvåa. Il fait du vent. Etta. Ils aiment la musique classique. Kryss. Lyon est sur le Rhône. Och etta. Bruxelles est en Belgique. Kryss tvåa, etta, kryss etta. Den fjärde avdelningen var en diktamen, en dikté. Och den kan vi av naturliga skäl inte gå igenom i radio. Här kommer emellertid svaren på de fyra frågor som hörde till diktamenstexten. Det gällde som ni minns Monsieur Dupont, hans familj och hans bilar. Fråga 5A. Où habite Monsieur Dupont? Il habite à Versailles. 5B. Combien de filles a Monsieur Dupont? Il a une fille. 5C. Combien de voitures a-t-il? Il a deux voitures. Au 5D. il y a presque toujours une voiture dans le garage de Monsieur Dupont. De quelle couleur est-elle? Elle est verte. Och det var den sista frågan. Om det här provet på några håll inte gick så bra så ska ni inte tappa modet för det. Ni har ju inte sysslat med franska så värst länge nu och säkerheten ökar nog så småningom efterhand som ni får mera träning. Vi lägger nu det skriftliga provet till handlingarna för att istället lyssna på de båda pojkarna på sidan 86 i Je vous écoute. Sidan 86. Tu es de Paris? Oui, nous avons une petite villa dans la banlieue. Tu as des frères et des sœurs? Oui, j'ai deux frères. Pierre et Jean, et une sœur Cécile. Quel âge a Pierre? Il a 9 ans, et Jean a 6 ans. Et Cécile? Elle a 3 ans. Et toi, quel âge as-tu? Moi, j'ai 15 ans. Et toi? Moi, j'ai 14 ans. Est-ce que tu as des parents en Suède? Oui, j'ai un cousin à Stockholm. Quel âge a-t-il? Il a 13 ans.